on peut que s'améliorer. C'est ça. Non, ouais. Chronique sont foutues palmarès et je pense qu'on devrait reprendre là où on a laissé avec la deuxième partie. C'est toujours Jean-Philippe qui nous parle de cuisine aujourd'hui. Oui, je sais pas si tu veux que j'aille plus loin, par exemple. Donc, c'est la fin pour... on revient après la pause. C'est un peu comment l'amener. C'est un peu dégueulasse, mettons. Mais c'est l'opportunité qu'on a à chaque semaine. On travaille communautaire. Faut qu'on on accueille un ancien... un escapé de la maison de fous. Oui, c'est David Ferron et la langue dans ton oreille. T'as l'air de nous regarder comme si on était vraiment pas correct de te faire ça. Est-ce que t'es offusqué par mon commentaire sur l'asile d'où tu proviens? Non, pas pantoute, je sais pas de quoi tu parles. Ben, c'est parce qu'ils nous ont dit de pas en parler trop fort. Puis toi, je pense qu'avec ta médication, tu sais pas que t'étais dans un asile de fous jusqu'à récemment. Je pense que c'est ça le problème. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais dans un monde où ce que les poneys chient des arcs-en-ciel. Ah! Okay. Tu viens de gâcher mon univers. Maudit fou. Annie Brocoli, si elle écoute ça, elle deviendrait suicidaire. Comme Jean-Philippe le disait à Aaron, t'es le seul gars qui se rappelle encore d'Annie Brocoli. Tu parles autant d'elle à chaque semaine. Ben oui, c'est important de se mémorer des icônes culturelles de la culture québécoise. Mm-hmm. Moi, je le fais, ça me fait plaisir. Et de toute façon, je voulais dire qu'Annie Brocoli, ben tu connais ça parce que toi, je veux dire, tu prends ta portion de légumes à tous les jours venant d'un asile. Portion de légumes. Portion de légumes, très bonne. Merci. J'aime bien manger des beaux petits légumes frais. Mm-hmm. Moins drôle. Oui. Elle est troublante. Le téléphone, je t'ai déjà fait. David me pointe. Oui. Toi, il te touche la main, moi, il faut que je me pointe. C'est moins dérangeant. Mm-hmm. Attention, moi, ça a commencé comme ça. Oh, et attention, il change de chaise. Oui. Et je mets mon bras parce que je sais qu'il va me toucher. Ah, mais voilà, c'est fait. C'est d'où tes mains, David? C'est. Toi, t'as le bras au complet. Moi, j'ai le bras au complet, c'est poilu un peu. C'est un peu gênant. Toi aussi, c'est poilu. Hein? Ouais. Ok, ça, c'est. Oh, l'épaule! Oui, variant. Purelle d'or, tu. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 23 septembre 2013. Il s'est passé plein de trucs dégueulasses. Oui, c'était le mot, hein, le running gag, du début à la fin, c'était dégueulasse. Oui, et les choses qui se sont faites. Oui, se faire toucher par David. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je voulais dire. Vous avez peut-être remarqué un thème récurrent de moi qui rit un petit peu de Jean-Philippe. C'est rien de méchant, pour vrai, j'adore le gars et je ris de lui avec lui. Tu sais? Oui, oui. C'est ça. C'est rien de méchant. Il est fin, puis je l'aime bien. Ben oui. Yes. Donc, retrouvez-nous tous les matins, du lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30. On est en direct à partir de 7h30. Et puis, on fait ça. On a des chroniqueurs, on a du fun, on passe à bonne petite musique, là, ça. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse en général. Faut s'attendre. Faites attention à vos oreilles, ça. Mais déjeunez pas en même temps. Non, non, non. Et si possible, tenez-vous du Purel proche de vos oreilles. Tu sais, un petit squirt, là. Petit squirt de Purel dans l'oreille. Non? Ça aussi, je trouve ça dégueulasse. Un peu dégueulasse. Il y a tout ton autre émission. Oui, c'est ça. Chacun ses affaires. Ici, on est dans le bon goût.